bon ça pense. C'est bon c'est boogie boogie. C'est pas le pays de Snoop Bellet. Comment tu check ton body. Mon hobby c'est faire de la matière pour ton iPod. La face à tout va facile à retenir comme un digicode. C'est bon ça pense. C'est bon c'est boogie boogie. C'est pas le pays de Snoop Bellet. Comment tu check ton body. Mon rap c'est pas du Yu-Gi-Oh Yu-Gi-Oh. Ils m'auront pas en duo même s'ils lâchent un gros billet. C'est exact, j'parle de ligne conductrice. Ça part en zigzag, c'est ce qui m'a rendu triste. C'est clair, ils feront tout pour plaire. Stop les couplets, ils sont prêts à mettre de la grosse merde dans leurs couplets. Parle d'indépendance, parle dans des tendances. J'sais pas ce que t'en penses, mais pour moi ils ont plombé l'ambiance. Ils sont tous paraqués, moi j'ai l'avantage d'être sec. De ne pas être pris pour le leader dans leur soirée jet set. Je ne veux pas de leur bouteille, je ne veux pas de leur gogo. De manière elles sont toutes coquées, j'suis plutôt fumeur popo. Et poto, ce qu'on fait c'est de la zigmu. Au langage pas très souple. J'habille l'instru, quand je la vois toute nue. Ce que je t'amène c'est l'album. Y'a même un feat avec Econ pour que les ventes décollent. Moi je déconne et j'en connais. Ils seraient prêts à vendre leur mère pour devenir un jour des stars à Isère. C'est bon ça pense. C'est bon c'est boogie boogie. C'est pas le pays de Snoop Bellet. Comment tu check ton body. Mon hobby c'est faire de la matière pour ton iPod. La face à tout va facile à retenir comme un digicode. C'est bon ça pense. C'est bon c'est boogie boogie. C'est pas le pays de Snoop Bellet. Comment tu check ton body. Mon rap, c'est pas du Yu-Gi-Oh, Yu-Gi-Oh. Ils m'auront pas en duo, même s'ils lâchent un gros billet. Les rappeurs, les cœurs, passent du commère au sensé. Y'a pas que les breakers qui savent pas sur quel pied danser. Ils ont la haine au micro, je les prends un par un. La mafia traîne pas dans les studios, ne faites pas les parrains. Moi c'est Moclès, voici le poids des mots. Contrôle ma partie sans prendre pour Lucky Luciano. Et des imposteurs, y'en a beaucoup dans ce business. Quand y'en a un qui meurt, t'en as 10 qui naissent. Leur cerveau tourne pas rond, leur ambiance ne sent pas la rose. Un rappeur vrai c'est rare comme un beurre à Roland Garros. Eh hey, toi qui m'écoutes, fais pas style, tu piches pas. J'ai pas besoin de citer de nom, tout le monde voit de qui je parle. C'est bon ça pense, c'est bon c'est boogie boogie. C'est pas le pays de Snoop Bellet. Comment tu check ton body. Mon hobby c'est faire de la matière pour ton iPod. La face à tout va facile à retenir comme un digicode. C'est bon ça pense, c'est bon c'est boogie boogie. C'est pas le pays de Snoop Bellet. Comment tu check ton body. Mon rap c'est pas du Yu-Gi-Oh Yu-Gi-Oh. Ils m'auront pas en duo même s'ils lâchent un gros billet. Si t'es petit pote, j'ai pote, genre ils se prennent pour des psychiatres, hein. Genre ils m'aiment hab, j'm'en tape, dis-leur que c'est réciproque. De toute manière j'm'en bats, j'suis un MC au débit. J'donne du fil à retordre sans répit. À la justice c'est ok, billet, je dénonce, je renonce. J'en ai déjà fait les frais. Tu sais leur truc c'est du faux, en plus ça brille trop pour être vrai. Et c'est pas parce que moi-même je le dis que je le suis. Fais pas semblant de pas écouter si dans le fond tu me suis. Les MC font les durs et se prennent pour des puristes. Réfléchir avant d'écrire, celle-ci je la place pouriste. Ils font kiffer les bobos de la porte d'Auteuil. Ils parlent trop de flingue, ça se voit qu'ils ont pas goûté au deuil. T'es qu'un mytho, t'apportes que des échos et c'est quoi. Pour en parler de la sorte, ça sent que ça arrivait loin de chez toi. Voici le rap de Paris Capital 7-5. Juste véridique, on ne demande pas à la plume des sens. C'est bon, ça pense. C'est bon, c'est boogie boogie. C'est pas le pays de Snoop Bellet. Comment tu check ton body. Mon hobby c'est faire de la matière pour ton iPod. La face à tout va facile à retenir comme un digicode. C'est bon, ça pense. C'est bon, c'est boogie boogie. C'est pas le pays de Snoop Bellet. Comment tu check ton body. Mon rap c'est pas du Yu-Gi-Oh Yu-Gi-Oh. Ils m'auront pas en duo même s'ils lâchent un gros.